Le fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Lu par Xavier Gallet. Réalisation Baptiste Guiton. Épisode 4. Non, au lieu de cette tombe, que plutôt je la retrouve, elle, Asiadé, n'importe comment et à n'importe quel prix. Quand je devrais recommencer à souffrir après, j'aimerais mieux la revoir. Je ne l'espère pas, mais je sens que je le voudrais, au risque de tout. La retrouver, même vieillie, même près de mourir, ombre encore un peu pensante, qui seulement comprenne que je suis revenu et qui m'entende demander pardon. Nous abordons au pied du grand pont de Stamboul, que l'on doit refaire chaque année mais qui dure toujours. Là, c'est un véritable tohu-bohu de bateaux, bondés de monde, qui arrivent de tous les points du Bosphore et qui se frôlent, se heurtent, sifflent et fument à qui mieux mieux. Sur cet immense pont flottant qui réunit les deux rives et qui remue sans cesse au grincement de toutes ses chaînes de fer, la foule habituelle s'agite, mêlant les costumes de l'Europe et de l'Orient. Je remonte à Péra, à l'hôtel. Pour un temps, je redeviens comme tout le monde, causant, la mémoire endormie, me rappelant à peine que c'est demain matin, l'entrevue redoutée avec la négresse Khadija et la visite au tombeau d'Asiadé. Dîner quelconque, en compagnie de touristes français, connus hier sur le paquebot de Varna ou récemment vomis par l'Orient Express. Les Français, je crois, vivent dans la plus tranquille ignorance de ce qui se passe chez le voisin. La Turquie, qui fut pourtant notre allié pendant des siècles, est aussi inconnue de nous que les régions du Centrafrique ou de la Lune. Ainsi n'ai-je pas vu, à Stamboul, où l'hiver est plus dur qu'à Paris, des touristes de chez nous arriver en décembre avec des vêtements de toile ? N'ai-je pas lu, dans de grands journaux parisiens, pendant que mon navire, là-bas, se débattait depuis des semaines au milieu des rafales de neige, qu'il doit être bon d'être au Bosphore, le pays de l'éternel printemps ? C'est que, vous comprenez, ce pays est en Orient, n'est-ce pas ? Alors, pour la plupart des Français, qui dit Orient dit ciel bleu, soleil, palmiers et chameaux. Il n'y a rien à faire à Stamboul le soir, n'est-ce pas, monsieur ? Allez donc essayer d'ouvrir les yeux à certains bourgeois qui, dans leur amusante ingénuité, crétinerie, oserais-je dire, croient à la férocité des pauvres Turcs. C'est le cliché que vous servent tous les guides des hôtels, que les promenades sont périlleuses le soir à Stamboul, qu'il n'y a rien à y voir. Oh non, monsieur, en effet, à Stamboul, rien du tout. Et vite, après ce dîner, un cheval de louage pour m'enfuir. D'abord, je traverse au grand trot Galata, pleine de lumière, de cris et de musique. Je quitte ces rues bruyantes et je m'arrête au bord de l'eau, à l'entrée d'un pont de bois qu'on ne voit pas finir mais qui s'en va se perdre au loin dans l'obscurité confuse. Là, tout change brusquement, comme change un décor de féerie au coup de sifflet des machinistes. Une profonde trouée de nuit et de silence devant moi. Un bras de mer étend son vide tranquille entre ces quartiers assourdissants que je viens de traverser et une autre grande ville d'aspect fantastique qui apparaît au-delà, sur le fond étoilé de la nuit, en silhouette toute noire, dentelée de minarets et de dômes. Elle se profile si haut que les coupoles de ces mosquées, s'exagérant dans les buées enveloppantes, prennent des proportions de montagne. C'est un soir de Ramadan. Alors, à tous les étages de ces minarets, autour de leurs galeries festonnées, brillent des rangs de feux en couronne et, dans le vide, entre ces flèches de pierre qui pointent en plein ciel, des inscriptions lumineuses suspendues par d'invisibles fils effraient, comme des signes apocalyptiques tracés dans l'air avec du feu. Je suis dans le vieux Istanbul. Suivant la coutume, je fais allumer la lanterne qu'un coureur portera devant moi pendant ma promenade sur l'autre rive et, bientôt, le pont franchi, me voici engagé dans ce dédale. La lueur de ma lanterne qui court me montre à terre tout le long du chemin des masses brunes qui sont des chiens couchés en boule qui, apeurés, grognent. Des personnages à turban longent les murs. À un tournant de rue, très étroite la rue, très obscure, un groupe qui arrive, un groupe de 5 ou 6 femmes chaussées de babouches qui ne font pas de bruit, fantômes bleus, rouges ou roses, enveloppés jusqu'aux yeux dans ces pièces de soie lamées d'or. 2 eunuques les précèdent, armés de bâtons, les éclairant avec de grandes lanternes anciennes qui font danser leurs ombres sur les pavés et les murs. Je me suis égaré au cœur du quartier des harems, et ces femmes qui passent vont aller s'enfermer, on ne sait où, dans on ne sait quel palais dissimulé. De nouveau, je m'enfonce dans l'obscurité d'une rue étroite et c'est là, j'en suis sûr, que la maison du vieil Abédine va m'apparaître. Une maison de bois, haute et triste, teinte en rouge sombre. Derrière des fenêtres aux grillages saillants sur lesquels étaient peints des papillons jaunes et des tulipes bleues, Abédine entretenait son harem. C'est à cet homme qu'on l'avait marié, enfant, sans son consentement, comme une brebis ou une pouliche. Là, tout près, je vais revoir, j'en suis certain, cette maison où elle a dû mourir et où, un soir presque clandestinement, on a dû l'emporter. Dans le noir, je sens qu'on m'observe. Par ici, je fais éclairer par le fanal de mon coureur les murs, le dessous des balcons aux impénétrables grilles. Derrière ces barreaux de fer, 2 grands yeux fixés sur les miens, des prunelles vertes, de cette teinte vert de mer d'autrefois. Asiadée. Asiadée me regardait fixement, impossibilité d'échanger avec elle une pensée. « Il faut rebrousser chemin devant ces ruines », déclare le coureur qui éclaire à présent devant moi, un vide indéfini, semé de pierres éboulées, de poutres noircies. Mon cheval bute sur des décombres. C'est le feu qui a fait son œuvre. Un de ces grands incendies qui brûlent ici des quartiers en quelques heures a tout anéanti. L'hiver dernier, cela s'est passé, me dit mon coureur en déplaçant de droite et de gauche sa lanterne pour mieux me montrer cette désolation. On ne reconnaît même plus trace de rue. Sur un espace de 300 ou 400 mètres, il n'y a plus que des débris. Allons, c'est fini, Asiyadeh a désormais clos ses yeux. Et la maison où elle a vécu cloîtrée s'est effondrée dans les flammes. Ce monceau de ruines. Non, je n'avais pas prévu cela. Cette destruction dépasse un peu la mesure de ce que j'attendais. Jamais, jamais plus, je ne pourrais venir errer dans cette rue qui était la sienne, sous les hauts balcons grillés de cette maison où elle avait passé la moitié de sa vie. Je souffre tout au fond de moi-même d'une sorte de désespérance morne et absolue, sans compensation, sans charme, simplement douloureuse. Le souvenir d'elle, le regret qui vient d'elle et le remords lourd sont sur moi comme un oppressant manteau de deuil. Je ne regarde plus rien. Je fais demi-tour, remettant mon cheval au pas, prenant je ne sais quelle route au hasard dans la nuit noire. Les allées où il n'y a personne vont en montant. Puis il fait de plus en plus clair sous cette pluie de feu de couleur changeante dont le ciel de la nuit est traversé. Une admirable musique religieuse arrive de l'intérieur d'une mosquée. Un chœur de voix d'hommes très fraîches, très limpides, qui psalmodie sur des notes singulièrement hautes avec quelque chose de pas naturel, d'extraordinaire si l'on peut dire ainsi. Je suis en esprit les prières qui se chantent. Il semble qu'en ce moment, l'âme de l'islam se soit concentrée dans ce sanctuaire. Oh, ces chants qui vibrent sous cette coupole, monotone comme des incantations de magie et d'une sonorité si belle et si rare. Voix d'enfant ou voix d'ange, on ne sait trop. Ce Dieu d'ici, il domine toutes les rêveries et tous les silences. Jour et nuit, on entend passer au-dessus de Stamboul son nom chanté, paraphrasé, prolongé en vocalise éperdue et tremblante par des centaines de voix claires. Dans les enroulements innombrables des arabesques, sur les marbres des stèles, sur les murailles en précieuses faïences, c'est son nom encore qui revient partout, multiplié à l'infini, obsédant, éternel, tantôt visible ou tantôt dissimulé parmi les rosaces compliquées et les hiératiques fleurs. Allah, Dieu des mosquées blanches ou des mosquées grises, Dieu des oasis et des déserts. Si même au début il n'avait été rien, rien qu'une conception obstinée des âmes orientales, il semble qu'il ait acquis au cours des siècles une existence, à force d'avoir été conçu par des milliers d'êtres, et puis tant appelé, tant prié et tant conjuré aux heures des détresses ou des agonies. Devant cette vieille mosquée, sous le ciel de nuit, on subit d'Allah une oppression souveraine. Au milieu de la pénombre sonore, on entend son nom chanter comme craintivement et puis répéter chaque fois par les hommes prosternés qui se frappent le front contre terre. Je sens qu'il ne me faudrait pas un grand effort pour tomber à genoux comme eux tous et supplier leur Allah qu'il me prenne aussi en pitié, qu'il me fasse grâce de la fuite des saisons. Grâce de ma brièveté et de la mort sans retour, et grâce de cet effroyable avenir de désespérance, de fer, de feu et de sang, vers lequel des vertiges nous emportent. Donc, notre petit logis adoré des Youb n'existe plus. Sa maison à elle est tombée en cendres. Ahmet est mort et depuis 7 ans, Aziyadé est couché dans la terre. À quoi bon ce que je vais faire? Quelle leurre d'enfant que cette visite à sa tombe. Pauvre petite Aziyadé. Tant de choses que je n'ai jamais su lui dire et qui me brûlent maintenant. Et que je lui dirais, là, si on pouvait me la rendre seulement pour quelques minutes, pour un entretien suprême, lui dire que jamais ne s'éteindra le regret de l'avoir perdue. Lui demander pardon de vivre et d'être encore jeune et d'aimer encore. À la fenêtre de ma chambre d'hôtel, je laisse errer mon regard à l'horizon, vers les vieux toits sombres, encadrés de platanes et de cyprès qui descendent par myriades vers la mer. Puis des minarets et des minarets, une vraie futaie de minarets. Je regarde les silhouettes des mosquées où j'ai passé autrefois le plus inoubliable temps de ma vie. Elles ont été les témoins constants de mes courses d'aventure. Pendant que les jours délicieux d'alors fuyaient si vite, je les voyais de partout, arrondissant là-haut leurs grands dômes tout blancs et mornes sous les soleils d'été, quand j'allais chercher l'ombre des platanes sur quelques vieilles places solitaires, tantôt vaguement noires par les minuits de décembre sous les froides lunes indécises, quand mon caïque glissait clandestinement le long de Stamboul endormi. Toujours présente et presque éternelle auprès de moi, passant d'un jour sans lendemain, jetée là par le hasard. Il fait froid tout à coup, étrangement froid. Une impression de prochaine mort des choses, une impression de temps révolu à jamais. Dans le calme de ma chambre, pour le soir de mon retour, le passé de plus en plus m'enveloppe. Le passé lointain et le passé d'hier, ce rien qui est le passé de ma vie. Bien bruyante, cette foule d'en bas. Depuis la rue, un vieux chien galeux lève les yeux vers moi. Il se tient piteusement assis, l'air si malheureux et si humble. Objet de dégoût pour ceux qui passent, sa pauvre tête est toute mangée de gale, couverte de croûte, presque sans poils, mais ses yeux restés jolis semblent penser profondément. Avant, les chiens montaient la garde de nuit dans les quartiers, nettoyaient les rues et surveillaient les petits enfants. On était habitués à les voir rôder partout, inoffensifs et courtois, toujours si touchés de la moindre caresse, en pleine confiance avec les hommes qui jusqu'à présent ne les avaient pas trahis. « Tu ne me trahiras pas, Loti ?» me disait Ahmet en préparant mon narguilé. Après des siècles de fidélité, sans avoir jamais mordu personne, ils se sont vus condamnés un jour au plus atroce des massacres. On a recruté des vagabonds, des bohémiens, des bandits. Ces gens opéraient avec de grandes pinces de fer à mâchoire, attrapaient les pauvres bêtes par le cou, par les pattes ou par la queue, les jetaient pêle-mêle écorchées et saignantes dans des barques qui les emportaient au milieu de la Marmara, à l'île du supplice dans laquelle on entassait par centaines tous les chiens de Stamboul. C'était un rocher désert, sans une goutte d'eau pour boire, et ils y moururent longuement de faim et de soif, après s'être entre-dévorés dans leur délire. Lorsqu'on passait en mer aux environs, ils arrivaient tous sur le rivage et on entendait leurs clameurs déchirantes. Cela dura 2 mois. Du plus loin qu'ils apercevaient des barques et des hommes, ils venaient naïvement appeler au secours, gardant confiance, malgré tout, en la pitié humaine. Moi, je crains que tout cela n'amène le malheur sur la Turquie. pauvre Stamboul. Comme tout s'est enlaidi, comme tout s'en va. Les petites rues tortueuses qui montent, qui descendent, étaient charmantes du temps des vieilles maisons turques. Avec toutes ces affiches réclames, les voilà tout simplement affreuses. Et bien sales aussi, depuis que les bons chiens n'y travaillent plus. Hier existait encore une ville qui s'était à peu près conservée comme un miracle depuis les époques où l'Orient resplendissait. On n'y entendait point les bruits de sifflets, de ferrailles qui sont l'apanage de nos capitales modernes. La vie s'y écoulait, méditative et discrète, apaisée par la foi. Il n'y a pas dans l'espèce humaine que des spéculateurs et des électriciens. Il y a aussi, et grâce à Dieu, il y en a de plus en plus, des artistes, des poètes, des rêveurs. Et leur nombre va même croissant à mesure que grandit l'épouvante de voir la laideur tout envahir. Qu'on leur laisse au moins, et que l'on respecte pour eux comme un Éden, ce petit coin de la terre qui est encore le moins défiguré par le modernisme. Pauvre Stamboul, tu péris, comme l'islam tout entier du reste, au souffle empesté de houille qui vient d'Occident. L'Europe est là, qui se rapproche à grands pas pour tout gâter, tout enlaidir, pour déverser toutes nos misères sociales avec notre alcoolisme et nos blasphèmes. Ce soir, je bénis le bras de mer profond qui m'en sépare un peu de cette Europe épileptique et m'en préserve. Les affreux complets grisâtres remplacent de plus en plus les vestes rouges, bleues ou vertes. À plein paquebot arrivent ici tous les reliquats invendables de nos magasins de confection. Dans les rues, on les offre à la criée. Et de pauvres gens naïfs les achètent non seulement parce qu'ils les paient moins cher que les beaux costumes traditionnels, mais aussi parce que, vêtus ainsi, ils se croient plus modernes et plus en progrès. Il faut dire que même les Turcs, les nouveaux, élevés sur nos boulevards, semblables aux moucherons qu'attirent la flamme des lampes, ces musulmans des jeunes couches, éblouis par tout le toc de nos idées subversives, de notre luxe à bon marché, préfèrent se bâtir des maisons Saint-Jean-les-Nôtres. Tant d'incendies s'allument chaque année dans les vieux quartiers en bois toujours prêts à flamber. C'est toujours au cœur même de Stamboul que le feu s'attaque de préférence, se plaisant à détruire les vestiges du merveilleux passé, préparant des espaces vides où l'on projette de tracer aujourd'hui des avenues bien droites en style américain et de construire des maisons bien uniformes. Je ne croyais pourtant pas tenir beaucoup à ce quartier sombre, mais je m'étais figuré, sans doute parce qu'il avait déjà des siècles, qu'il durerait encore, au moins aussi longtemps que moi. Vous venez d'entendre Le fantôme d'Asiadée, quatrième épisode. D'après les romans Asiadée et Fantôme d'Orient de Pierre Loti. Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet. Lu par Xavier Gallet. Musique originale Olivier Innocenti. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton.